réalisateur. Pour l'homme s'est abandonné Satan et se tourner complètement vers Dieu. C'est là le salut complet de l'homme, la conquête et le combat final. C'est la dernière étape du plan victorieux de Dieu. Sans cela, aucun homme n'est sauvé. La vie.